Esther chapitre 2. Après ces choses, quand la colère du roi Assuérus fut apaisée, il se souvint de Vasti, et de ce qu'elle avait fait, et de ce qui avait été décrété contre elle. Et les jeunes gens qui servaient le roi, dirent, qu'on cherche au roi des jeunes filles vierges, et belles à voir. Et que le roi établisse des commissaires dans toutes les provinces de son royaume, qui assemblent toutes les jeunes filles, vierges et belles à voir, dans Susan, la ville capitale, en l'hôtel des femmes, sous la charge d'Égaï, eunuque du roi, le gardien des femmes, et qu'on leur donne leurs préparatifs. Et la jeune fille qui plaira au roi, régnera en la place de Vasti. Et la chose plut au roi, et il le fit ainsi. Or il y avait à Susan, la ville capitale, un homme juif, qui avait nom Mardoché, fils de Jaïr, fils de Simi, fils de qui, Benjamite, lequel avait été transporté de Jérusalem, avec les prisonniers qui avaient été emmenés captifs avec Jéchonia, roi de Juda, lesquels Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait transporté. Et il nourrissait Adassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. Et la jeune fille était de belle taille, et très belle à voir, et après la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait prise pour sa fille. Et quand la parole du roi et son édit fut su, et que plusieurs jeunes filles eurent été assemblées à Susan, la ville capitale, sous la charge d'Égaï, Esther aussi fut amenée dans la maison du roi, sous la charge d'Égaï, gardien des femmes. Lequel voyant la jeune fille, elle lui plut, et gagna ses bonnes grâces, de sorte qu'il lui fit aussitôt expédier ses préparatifs, et il lui ordonna son état, et cette jeune fille, telle qu'il les lui fallait ordonner de la maison du roi, et lui fit changer d'appartement, et la logea, elle et toutes les jeunes filles, dans un des plus beaux appartements de l'hôtel des femmes. Or Esther ne déclara point son peuple, ni son parentage, car Mardoché lui avait enjoint de n'en rien déclarer. Et Mardoché se promenait tous les jours devant le parvis de l'hôtel des femmes, pour savoir comment se portait Esther, et ce qu'on ferait d'elle. Or, quand le tour de chaque jeune fille, était venu pour entrer vers le roi Assuérus, ayant achevé tout ce qu'il lui échéait à faire selon ce qui était ordonné touchant les femmes, 12 mois durant, car c'est ainsi que s'accomplissaient les jours de leurs préparatifs, savoir, durant 6 mois avec de l'huile et de la myrrhe, et durant autres 6 mois avec des choses aromatiques, et autres préparatifs de femmes. Alors dans cet état la jeune fille entrait vers le roi, tout ce qu'elle demandait lui était donné pour aller avec elle depuis l'hôtel des femmes jusqu'à l'hôtel du roi. Elle y entrait sur le soir, et sur le matin elle retournait dans le second hôtel des femmes, sous la charge de Saasgaz, eunuque du roi, gardien des concubines, et elle n'entrait plus vers le roi, si ce n'est que le roi l'a voulu, et qu'elle fut appelée nommément. Quand donc le tour d'Esther, fille d'Abihaïl, oncle de Mardoché, laquelle Mardoché avait prise pour sa fille, fut venue pour entrer chez le roi, elle ne demanda rien, sinon ce que dirait Égaï, eunuque du roi, gardien des femmes, et Esther gagnait la bonne grâce de tous ceux qui la voyaient. Ainsi Esther fut amenée au roi Assuérus, dans son hôtel royal, le 10e mois, qui est le mois de Tébet, en la 7e année de son règne. Et le roi aima plus Esther que toutes les autres femmes, et elle gagna ses bonnes grâces, et sa bienveillance plus que toutes les vierges, et il mit la couronne du royaume sur sa tête, et l'établit pour reine en la place de Vasti. Alors le roi fit un grand festin à tous les principaux seigneurs de ses pays, et à ses serviteurs, savoir, le festin d'Esté, et il soulageait les provinces, et fit des présents selon l'opulence royale. Or, pendant qu'on assemblait les vierges pour la seconde fois, et que Mardoché était assis à la porte du roi, Esther ne déclara point son parentage, ni son peuple, selon que Mardoché le lui avait enjoint, car elle exécutait ce que lui disait Mardoché, comme quand elle était nourrie chez lui. En ces jours-là, Mardoché étant assis à la porte du roi, Bigtan et Térai, deux des eunuques du roi d'entre ceux qui gardaient l'entrée, se mutinèrent, et ils cherchaient de mettre la main sur le roi Assuérus. Ce que Mardoché ayant appris, il le fit savoir à la reine Esther, puis Esther le redit au roi de la part de Mardoché. Et on s'enquit de la chose, et on trouva que cela était vrai, et les eunuques furent tous deux pendus à un gibet, et cela fut écrit dans le livre des chroniques, en la présence du roi.